Chapitre 2. Les richesses du roi Midas. Il y avait une fois un homme très riche, qui en même temps était roi et qu'on appelait Midas. Il avait une petite fille dont personne que moi n'a jamais entendu parler, et si autrefois j'ai su comment on la nommait, je l'ai complètement oubliée. Mais comme j'aime les noms de fantaisie pour les petites filles, je l'appellerai Marie d'or. Le roi Midas aimait l'or par-dessus tout. Il tenait à sa couronne royale, principalement parce qu'elle était composée de ce métal précieux. S'il y avait quelque chose qu'il aimât à peu près au même degré, c'était la petite fille qui folâtrait si gentiment sur les marches de son trône. Plus Midas avait d'amour pour cet enfant, plus il désirait et recherchait les richesses. Il s'imaginait, l'insensé, que ce qu'il pouvait faire de mieux pour le tendre objet de son affection, c'était de lui léguer le plus possible de cette monnaie jaune et brillante qu'on a toujours entassée depuis le commencement du monde. Toutes ses pensées, tout son temps, étaient consacrés à ce projet. S'il lui arrivait d'arrêter son regard sur les nuages dorés d'un coucher de soleil, il aurait voulu pouvoir les saisir, les changer en or pur et les enfermer dans ses coffres. Quand la petite Marie d'or courait à sa rencontre avec une touffe de genêt ou des boutons d'or, il disait aussitôt « Bah, bah, mon enfant, si ces fleurs étaient du métal dont elles ont la couleur, elles vaudraient la peine de les cueillir. » Pourtant, dans sa première jeunesse, avant d'être possédé d'une passion aussi extravagante, le roi Midas avait montré un goût décidé pour les fleurs. Il avait planté un jardin où poussaient les roses les plus belles et les plus suaves, qui eussent jamais réjoui l'odorat ou les yeux d'aucun mortel. Ces roses étalaient bien encore des corolles aussi fraîches et aussi embaumées qu'à l'époque où Midas passait des heures entières à en aspirer le parfum. Mais aujourd'hui, s'il les regardait, c'était seulement pour calculer quelle en serait la valeur, dans le cas où ces innombrables pétales seraient autant de petites plaques d'or. Et malgré sa passion d'autrefois pour la musique, en dépit d'une vieille histoire sur ses oreilles, taillée, disait-on, sur le modèle de celle d'un âne, le pauvre Midas n'aimait plus désormais que le son des piles d'écu. Enfin, en vieillissant, bien des gens deviennent plus fous au lieu de se montrer plus sages. Midas avait perdu le sens commun, au point de ne vouloir supporter la vue ou le contact d'aucun objet, s'il n'était d'or. C'est pourquoi il avait pris l'habitude de passer la plus grande partie de ses journées dans un lugubre appartement situé sous les voûtes de son palais. C'était là qu'il gardait son trésor, et toutes les fois qu'il sentait le désir de goûter un peu de bonheur, Midas se rendait dans ce sombre caveau, dont l'aspect ne valait guère mieux que celui d'une prison. Après en avoir soigneusement fermé la porte à clé, il prenait un sac rempli d'or, une coupe du même métal, un énorme lingot ou un boisseau de poudre d'or, et l'apportait des coins obscurs de la chambre à l'unique rayon de soleil qui s'y glissait par une étroite meurtrière. Ce rayon lui était cher, mais simplement parce qu'il donnait à son trésor des reflets plus brillants et plus purs. Puis, de vider son sac, d'en compter les écus, de jeter en l'air le lingot et de le rattraper dans ses mains, de tamiser la brillante poussière entre ses doigts, de regarder sa fantastique image réfléchie dans le fond de la coupe et se dire tout bas « Oh Midas, fortuné roi Midas, l'heureux mortel que tu fais !» Et rien n'eût été plus drôle que de voir le sourire grimaçant que lui présentait sa propre figure réfléchie par le vase. On eût dit que cette image, comprenant la sottise de son original, le tournait en ridicule et lui riait au nez sans plus de cérémonie. Bien qu'il se dît heureux, Midas éprouvait encore un certain vide au milieu de son bonheur. Il n'aurait jamais, pensait-il, une satisfaction complète si le monde entier ne devenait l'entrepôt de ses richesses et n'était rempli de cette matière resplendissante dont il aurait l'entière propriété. Je n'ai pas besoin de rappeler à de petits enfants savants comme vous qu'à l'époque reculée où vivait le roi Midas, il se passait bien des événements qui nous paraîtraient incroyables s'ils arrivaient de nos jours et dans notre pays. Il est vrai qu'un grand nombre de choses dont nous sommes témoins aujourd'hui n'auraient jamais été crues par les gens d'autrefois. À tout prendre, notre époque est encore plus extraordinaire. Mais je continue mon histoire.